Le comité central du Parti du Travail de Corée a offert le 28 courant un banquet pour l'envoyé spécial du premier secrétaire du comité central du Parti communiste cubain et sa suite. Y étaient invités Salvador Antonio Valdés Mesa, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste cubain et vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba en visite en République populaire démocratique de Corée, en qualité d'envoyé spécial de Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste cubain et sa suite, ainsi que les diplomates cubains en Corée. Y ont participé Lee Soo-young, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, et les officiels coréens intéressés.